Dieu est lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Parole céleste. Dernière. Quand le bon Dieu sorti dans le ciel là, il tombe sur le monde qui a fait méchanceté. Le monde qui a fait menti dans la place vérité. Il tombe sur mes anges qui te fait péché. Lage yo nan yon wotrou fè noa, li kondane vil so dame komo, yo disparat yo toune fan. Réveye nou chrétien, réveye ou réveye, okasyon nou arrive, sa se mouman pan. Dom et Gomorrah t'es un exemple. Pour ne pas faire même péché, ça y aura encore. Pour nous pas suivre chemin balarana. Y'en a un qui t'a fait ça qui mal pour la gens. Même Jean, bon Dieu, t'es délivré l'autre. Y'en a un qui t'a vivre droit dans yeux, bon Dieu. Nous même chrétiens, en fait, bon Dieu, plaisir. Parce qu'elle sait mon bon Dieu choisi. Parfait, mon Dieu fâché. Donc, comme ça qui arrive. Passer, inondation passer, vie fait passer. laquelle content tout le temps. Même si elle a changé, t'arrêtes tout noir. Parce que conséquence, yo, grave. Pour la prière, pour le monde changé, pour innocent, pas payer pour coupable. Et mon Dieu, fâché. Ouais, ça qu'a passé.